Au Mexique, la production de drogues synthétiques explose. Fentanyl, méthamphétamine, carfentanyl, fabriqués dans des laboratoires de clandestins, ces substances alimentent des réseaux internationaux. Ce trafic chimique transforme le visage du crime organisé,